La merde salement accrochée à mes rêves m'empêche d'avancer, stop, accordez-moi une trêve. J'aimerais vivre mes rêves plutôt que de rêver ma vie. L'ascenseur se referme à chaque fois que j'arrive à croire que personne ne souhaite que j'atteigne l'autre rive. Alors je bade et je pars vite à la dérive. À fumer des joints, c'est à la vodka que je m'enivre. Petite bouteille chérie, je t'aimerais moins bien au réveil. Quand tout le monde dort, vite y veille encore. Je composerai jusqu'à la mort, j'ai la poule aux œufs d'or. Souvent je me remémore les souvenirs passés. Malgré le temps toujours présent, impossible d'effacer. Ce qui fait de moi un homme au cœur glacé. Un névrosé complètement déboussolé. Y'a rien à faire, m'a dit le doc, à part prendre des médocs. Le genre de truc qui transformerait en carotte. Mais j'aime pas les lapins, j'suis monté comme un âne. Ma bite fera mal, avale vite une boîte de Doliprane. J'ai quelquefois des lyrics qui te fracassent le crâne. F.I. de Zeddy en mode Superman. Prends tranquillement, sans poser le cœur.